Et voici l'humeur de Guillermo Ernesto Guiz. Ça va? Ça va, les amis? Oui. Bon, j'ai un dilemme. J'ai envie de parler de rap, mais voilà, ici, c'est risqué parce que je sais que dans le studio, on a un public à fleur de peau sur le rap game et tout. C'est vrai, il faut que je fasse une insinuation sur voilà, que le fait que peut-être que Booba, il n'avait pas tous les torts pour derrière, ça parte en bagarre avec madame. Là. Je la connais, alors que je vous le dis, madame, Caris, je sais que c'est votre gars sûr et tout, mais à Orly, les torts étaient partagés. Je le sais parce que j'y étais à Orly, j'ai servi de projectile à Caris. Il m'a lancé sur Booba quand il était à court d'eau sauvage. Mais pour autant, j'aime bien son travail à Caris, vraiment. Grâce à Caris, j'ai appris le mot de chouin. Ah oui. J'adore ce mot, j'adore la sonorité de chouin. Je pourrais le dire toute la journée, chouin, chouin, chouin. C'est dommage, ça veut dire pute, mais je dirais, mais ça c'est l'argot, hein. ça va, ça vient. Peut-être que dans 10 ans, chouin, ça voudrait dire complètement autre chose, peut-être carafe d'eau. On dirait, si tu voudrais bien me passer la chouin, alors tu répondras, voici, tiens, la chouin, ce sera convivial. Mais je veux dire, c'est un des trucs que j'aime dans le rap, j'apprends des mots. Alors, parce que le rap, ça fait vivre la langue, ça tord le vocabulaire. Ça veut vraiment dire, ça joue. Oui, bien sûr, ouais, va ouais, dans la chouin. Chanson. Ouais, chouin, chouin. Donc vraiment, moi je trouve que le rap, ça fait vraiment vivre la langue, quoi. Ça tord le vocabulaire et tout, ça joue sur la sémantique. Moi, ça me stimule intellectuellement. Alors, j'ai essayé de me stimuler intellectuellement avec Claude François. Moi, ça n'a pas pris. J'ai rien contre Claude François. Moi aussi, peut-être un jour, je vais me marier et il faudrait bien faire danser ce qui me reste de tente et tout. Mais je dis juste que Claude François, il tire pas les gens vers le haut. Moi, je l'ai vu dans Taratata, là, en duo avec Cyril Lignac. Mais c'était limite. C'est vrai, il chantait un pendule de l'entrée, l'autre fois, la pendule de l'entrée. Enfin, il y avait un truc qui était vraiment. Claude, non seulement, c'est vrai, Claude, non seulement sa voix, elle me donne envie de crever dans un clip de Renan Luce, mais en plus, je trouve que ses textes, ils sont paresseux. Et 9 fois sur 10, c'est même pas ses textes à lui. C'est vrai, c'est souvent le cas dans la chanson propre. Alors que les rappeurs, ils écrivent leurs textes, quelque part. Ils écrivent leurs textes. Bon, parfois, on est fait pour dire qu'une telle, c'est une grande biatch, et qu'on va lui faire ceci ou cela avec des outils. Mais bon, ils le font en jouant avec le français. Et c'est vrai, le français, c'est leur glaise, cette fameuse langue française dont tout le monde se gargarise ici dans les milieux des gens qui savent. Et en fait, eux, ils bossent avec le français, vraiment. Et c'est même pas que je m'y connais spécialement en rap. Moi, longtemps, j'ai cru NTM, ça voulait dire nettoie ton mouchoir. Et je trouvais que ces gens sortaient quand même beaucoup d'albums pour régler leurs problèmes de blanchisserie. Mais j'ai juste que. Je m'identifie au boulot des rappeurs parce que j'adore travailler le français. Mon bonheur dans la vie, c'est vraiment d'écrire en français. Malheureusement, c'est une langue qui n'est pas adaptée aux qualités de ma mâchoire. C'est que j'articule mal le français. En fait, si je pouvais parler urdu, par exemple, ou une langue gutturale, je veux dire, je ferais des chroniques mémorables et les gens ils riraient dans le public au lieu d'avoir l'air d'attendre les résultats de leur prise de sang. Mais en attendant, comme les rappeurs, moi, ma matière première, c'est ma langue. Vraiment, je bosse avec ma langue. J'essaie d'être le meilleur possible avec ma langue. Et je tiens à dire que la fin de cette vanne est disponible sur le site de Jackie et Michel. Michel est un ami. Il sélectionnera parmi nos auditeurs la meilleure chute. Le gagnant pourra gagner évidemment une place dans le premier moyen métrage coécrit et réalisé par Daniel Morin, Brame de Serre à Mont-de-Marsan. Donc voilà, je trouve ça dommage de dénigrer le rap en brandissant systématiquement ce qui se fait de plus mal écrit dans le rap. C'est vrai, parce qu'à ce tarif-là, moi je peux vous sortir des punchlines de Johnny aussi. Hein. Quand je lis quoi? Des mots. Bon, ça donne envie d'avoir envie, plein de choses, mais pas d'ouvrir un dictionnaire. Hein. Je veux dire, franchement, alors Coxmo, Orelsan, Damso, Booba, ou même votre copain Charisse, madame, vraiment, bah, en jouant sur la langue, ils peuvent susciter des vocations littéraires chez les gamins, c'est vrai. Mais ça n'excuse pas ce qu'ils m'ont fait à Orly. Allez, bonne émission, Internet. Merci, bien. La bande originale, Maggie, sur France Inter.